Le véhicule devant moi actionne son clignotant pour changer de direction à la prochaine intersection ou pour s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'il ralentit que je peux franchir la ligne continue. Je ne dépasse pas. Réponse B.